Le News 1 de Corée du Sud annonce que le Rassemblement des avocats pour une société démocratique a demandé le vite aux archives la mise au public des dossiers sur le secteur de Bakune passé lors de la catastrophe du paquebot Séoul et d'autres sur l'accord pour le problème d'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise et les dépenses pour la gestion de Saad.